franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'opération de la baie des cochons en avril 1961. Une opération grotesque ou tragique, ou les deux à la fois. Ce jugement sans appel aurait pu rester à jamais secret, tant l'autocritique est dévastatrice. Et d'ailleurs, ce n'est qu'en février 1998, soit près de 40 ans après les faits, qu'a été rendu public le rapport de la CIA sur l'opération de la baie des cochons, rédigé par Lyman Kirkpatrick, inspecteur général de la célèbre agence et auteur de cette cinglante conclusion. Sur les 20 exemplaires du rapport, 19 furent détruits. Et le dernier, placé dans un coffre-fort pendant des années, signe manifeste du caractère ultra-sensible de cette affaire. Les faits, le 17 avril 1961. Aux alentours d'une heure et demie du matin, un millier de Cubains exilés aux États-Unis depuis la révolution castriste et entraînés pendant plusieurs mois par les agents américains débarquent sur les plages de la baie des Cochons, au sud de l'île, pour renverser le nouveau régime et son leader, Fidel Castro. L'opération se solde par un échec total et porte un coup terrible à la diplomatie américaine en pleine guerre froide. Les États-Unis humiliés, leur jeune président Kennedy également. Bilan lamentable dont se gausse le régime cubain qui, au musée de la Révolution à La Havane, expose aujourd'hui encore, aux yeux de tous, quelques reliques des embarcations américaines qui ont tenté cette opération il y a 55 ans. En seconde partie d'émission, après le récit donc, nous recevrons l'historienne Jeannette Abel, spécialiste de l'Amérique latine et notamment de Cuba. Nous reviendrons avec elle sur cet événement, bien sûr, ses conséquences et surtout sur l'actualité des relations américano-cubaines après la mort de Fidel Castro et l'élection de Donald Trump. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 19 janvier 1961, Washington, États-Unis. Ce matin-là, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, deux hommes se retrouvent face à face, dans l'intimité du pouvoir. D'un côté, Dwight Eisenhower, le président républicain, héros de la Seconde Guerre mondiale, qui après deux mandats confie ce jour-là, comme le veut la tradition américaine, les clés de l'administration et de la sécurité nationale à son successeur, un jeune démocrate catholique, John Kennedy. Entre le vieux général et le jeune sénateur, une ombre plane, celle du premier ministre cubain, Fidel Castro. Eisenhower se doit de mettre au courant Kennedy des opérations secrètes en cours. La plus importante de toutes, c'est cette intervention prévue contre le nouveau régime cubain qu'il a confiée à la CIA en mars 1960. Depuis deux ans et son entrée victorieuse dans la Havane, le 1er janvier 1959, le regard que portent les deux hommes sur le leader de la révolution cubaine a bien changé. L'un comme l'autre, ils l'ont d'abord vu comme une sorte de digne héritier de Simon Bolivar, le libérateur de l'Amérique latine. À la tête d'une révolution hétéroclite, constituée d'ouvriers, de paysans et de bourgeois progressistes, réunis par le rétablissement des droits fondamentaux et la fin de la dictature, la révolution cubaine, au départ, se garde bien de revendiquer tout caractère communiste. D'ailleurs, au cours d'une visite aux États-Unis en avril 1959, Fidel Castro est immédiatement venu rassurer son voisin américain. Que s'est-il donc passé en deux ans pour que le révolutionnaire romantique et charismatique devienne le sujet d'inquiétude numéro un? Eisenhower déroule à Kennedy les coulisses de cette évolution. D'abord, Fidel Castro et ses hommes ont entamé une série de réformes qui ont profondément remis en cause les puissants intérêts américains dans l'île. La plus importante, la réforme agraire, qui précipite la liquidation des grandes entreprises américaines. En réponse, Washington supprime son quota d'importation de sucre cubain. En quelques mois, les relations entre La Havane et Washington inexorablement se dégradent. Comme souvent, l'économique provoque le politique. Fidel Castro se tourne donc vers l'URSS, les États-Unis répliquent et imposent un embargo à leur ancien partenaire. Face à la tournure des événements, la rupture est inévitable. Et le 3 janvier 1961, Eisenhower décide l'interruption totale des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour les États-Unis, Cuba est tombé dans l'escarcelle soviétique et il devient impossible, en pleine guerre froide, de laisser cette tête de pont communiste à quelques centaines de kilomètres seulement de son territoire. Kennedy rejoint cet avis. Durant la campagne présidentielle, Cuba était le sujet principal de l'affrontement qu'il a opposé à Richard Nixon. Le candidat démocrate s'est engagé en Floride devant les réfugiés cubains à agir avec une fermeté énorme une fois élu. Vainqueur dans des conditions houleuses, avec une avance de seulement 120 000 voix sur son adversaire, Kennedy et son prédécesseur Eisenhower se retrouvent donc en accord sur ce point. Oui, il faut intervenir à Cuba le plus rapidement possible. Action, responsabilité et liberté sont d'ailleurs au cœur du discours d'investiture de John Kennedy le 20 janvier 1961, au lendemain de son entrevue à la Maison-Blanche. Et donc, mes chers compatriotes, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes chers concitoyens du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble nous pouvons faire pour la liberté des hommes. Pluton, c'est le nom de code donné à cette opération secrète lancée par Eisenhower, dirigée par la CIA et dont hérite Kennedy. Alan Dulles, le directeur de l'agence, et Richard Bissell, le responsable des opérations extérieures, briefent le nouveau président et son équipe. Depuis plusieurs mois, la centrale de renseignement américaine recrute et forme un millier de réfugiés anticastristes dans le but très clair de constituer une force paramilitaire qui doit débarquer sur l'île pour renverser le régime de Fidel Castro. Cette mission militaire n'est pas isolée. Le plan prévoit aussi de s'appuyer sur le Conseil révolutionnaire cubain en exil à Miami, présidé par Miro Cardona, qui doit s'imposer comme recours, ainsi qu'une aide matérielle aux guérillas rebelles présentes sur l'île, dans les montagnes de l'Escambray. Puis, le débarquement devra être soutenu par des frappes aériennes américaines pour détruire les avions de Castro. Dans ces conditions, Alan Dulles, le tout-puissant directeur de la CIA, l'assure à Kennedy, le plan a toutes les chances de réussir, car la population cubaine soutiendra l'insurrection anticastriste. Surtout, le prestige de la CIA est assuré par un précédent triomphal. En 1954, en effet, une opération similaire a permis le renversement du président progressiste Jacobo Arbenz au Guatemala après un coup d'État financé et organisé par la CIA. De son côté, Kennedy est partagé. Il a deux exigences. D'un côté, il doit tenir ses promesses et se montrer actif sur la question cubaine. De l'autre, il sait que l'URSS menace la partie ouest de Berlin. Donc, toute intervention à Cuba donnerait des arguments aux soviétiques. De ce point de vue, ses proches conseillers estiment que le plan d'Alan Dulles est trop risqué. Il suggère au président de l'abandonner. Kennedy, lui, décide de poursuivre. Mais il impose une condition. À aucun moment, les États-Unis ne doivent être directement liés à l'intervention. Sauf qu'en février 1961, un mois après l'arrivée au pouvoir de Kennedy, une information est reprise par les médias du monde entier. De l'Afrique, nous passons à Cuba. Oui, il y a longtemps que Cuba avait disparu des gros titres de l'actualité internationale, mais une note que M. Roa, ministre des Affaires étrangères cubain, a fait remettre aux différents gouvernements d'Amérique latine redonne quelque importance aux affaires de M. Fidel Castro. En effet, cette note accuse les États-Unis de préparer le renversement de Fidel Castro avant la conférence interaméricaine qui doit s'ouvrir le 24 mai à Quito. Ce renversement serait provoqué par une guerre que le Guatemala ou le Nicaragua entreprendraient contre Cuba. Les États-Unis, évidemment, soutiendraient alors les anticastristes. Toutefois, si cette entreprise échouait, précise la note cubaine, les États-Unis utiliseraient alors la même tactique qu'ils ont employée dans le cas du Congo, c'est-à-dire une intervention dans les affaires cubaines de l'Organisation des États américains. Département du Retalhuleu dans les montagnes sud du Guatemala. C'est là, pendant plusieurs mois, que dans le plus grand secret, au camp Trax, la brigade 2506, qui a pour mission de renverser le régime de Fidel Castro, s'entraîne. Elle est constituée d'hommes jeunes, entre 20 et 30 ans, pour la plupart anciens militaires. Une fois prêts, ils seront rejoints par d'autres réfugiés cubains au profil divers. On y trouve des paysans, des professeurs ou des notables. Bref, un groupe hétéroclite composé d'anciens soutiens de Batista ou déçus par la tournure de la révolution castriste. Au poste de directeur politique de la brigade, la CIA a choisi Manuel Artime. Cet homme de 29 ans a fait la révolution aux côtés de Castro, puis s'est désolidarisé du nouveau gouvernement qu'il qualifie de mascarade communiste. Il a fui aux États-Unis. Pour la direction des opérations militaires, il est assisté de José Pérez Sandroman, dit Pepe, 31 ans, militaire de carrière, libéré par Castro des prisons de Batista, mais qui lui aussi a rapidement rompu avec le leader révolutionnaire. Son adjoint se nomme Ernesto Oliva. Son parcours est similaire à celui de Sandroman, mais il a la particularité, lui, d'être noir. Pour la CIA, ce choix permet de nuire à la propagande castriste qui s'appuie sur son rôle d'émancipateur de la population cubaine, noire, précisément. Pendant des mois, les trois hommes organisent, forment et consolident leurs troupes. Ils ne savent pas grand-chose de ces Américains qui les ont réunis, mais ils ne doutent pas de leur soutien. Tout se déroule d'ailleurs pour le mieux, jusqu'au mois d'octobre 1960, date à laquelle le précieux secret s'ébruite. La Hora, un quotidien local du Guatemala, évoque la présence du camp d'entraînement. L'information est ensuite reprise par le New York Times. À partir de là, à intervalles réguliers, Fidel Castro n'hésite pas à se servir de cette menace pour alerter l'opinion internationale. D'emblée, la volonté de Kennedy de réduire l'écho sonore de la mission est fragilisée. Mais pour Allen Dulles, pas question de reculer. Il faut absolument lancer l'opération. Kennedy s'impose alors un double jeu. En public, il répète qu'il n'interviendra en aucun cas à Cuba. Mais en coulisses, il suit pas à pas le lancement de l'opération. Et le 15 avril 1961... Dans Le Monde aujourd'hui, nous avons eu un autre sujet d'intérêt, ou plus exactement de préoccupation, c'est Cuba après le bombardement de La Havane par des officiers aviateurs rebelles au régime Castro. Une situation à suivre, puisqu'elle risque de réveiller la guerre froide. Cuba, samedi 15 avril 1961. À l'aube, 8 bombardiers B-26 aux couleurs cubaines survolent l'île et bombardent les principaux aéroports militaires du pays où sont parqués les appareils de la force aérienne révolutionnaire. La moitié des avions de la flotte cubaine est détruite ou endommagée. Qui a mené cette attaque? La question partout à travers le monde et sur toutes les lèvres. D'autant que, quelques heures après, l'un des B-26 se pose en urgence sur l'aéroport de Miami en Floride. Alertés, les journalistes se pressent pour photographier l'appareil et en savoir plus sur son pilote. La bataille de la communication s'engage. On explique qu'il est membre de l'armée castriste et qu'il a décidé, avec d'autres, de se rebeller et de déserter, non sans avoir détruit l'aviation révolutionnaire avant. Criblé de balles, en manque de carburant, il était obligé de se poser en Floride. Bon, pourquoi pas. Ce même 15 avril 1961, à New York, l'Assemblée générale de l'ONU doit se réunir en séance plénière. Inévitablement, l'attaque contre Cuba s'invite à l'ordre du jour. Et Raoul Roy, le ministre des Affaires étrangères cubain, soutenu par Valérian Zorin, le délégué soviétique, exige une réunion du comité politique en urgence. Au cours de ce comité, il accuse directement les États-Unis d'être derrière les bombardements. En face, Adlai Stevenson, l'ambassadeur américain à l'ONU, s'appuyant sur les photos de l'appareil, pointe les insignes cubains et reprend la version que lui a donnée la CIA. Le pilote est un rebelle et aucun avion américain n'est intervenu. Voilà, circulez. Le lendemain, à La Havane, Fidel Castro organise les funérailles des 7 victimes du bombardement. La situation à Cuba, maintenant, Jean-Pierre Biondi, cet après-midi, des milliers de miliciens en uniforme ont assisté, en présence de Fidel Castro et des membres du gouvernement, aux funérailles nationales des victimes du bombardement de la base de Liberdad par des aviateurs rebelles. Le président de la République cubaine, M. Dortico, a décrété une journée de deuil national, tandis que journaux et radios accusent violemment les impérialistes yankees des bombardements opérés hier. Tandis que Washington dément toute participation à l'intervention armée des anticastristes, à Pékin, on suit attentivement ce qu'on nomme l'action des États-Unis contre Cuba. Si l'impérialisme américain ose attaquer Cuba, écrit le quotidien du peuple, le journal du Parti communiste chinois, il se heurtera non seulement à la réponse énergique du peuple cubain, mais également à la ferme opposition des peuples d'Amérique latine et du monde. Quant à Radio Moscou, elle a déclaré que ces bombardements sont le signe avant-coureur d'une intervention directe des impérialistes. Ce dimanche 16 avril, pour la première fois, Fidel Castro affirme le caractère socialiste de la révolution dans son pays. Son discours est une rupture, et le moment choisi n'est pas anodin. À la solennité de l'hommage, il mêle la gravité du péril, et les tensions au cœur même du nouveau gouvernement sont dissoutes, car pour l'heure, la révolution directement menacée entraîne une sorte d'union sacrée. Dans le même temps, par la proclamation de ce ralliement idéologique, Fidel s'assure le soutien de l'URSS. et les déclarations de Fidel Castro ne s'adressent plus à la tentative contre-révolutionnaire des réfugiés cubains, anciens de Batista ou déçus du castrisme, mais pointent la première puissance mondiale. Voilà donc le David socialiste face au Goliath impérialiste. Che Guevara, l'autre grande figure de la révolution cubaine, ne dit pas autre chose. Monsieur Ernesto Guevara, ministre de l'Industrie, l'élément le plus communisant du gouvernement, a déclaré aujourd'hui pour sa part la lutte de la révolution cubaine contre les États-Unis se terminera seulement quand l'impérialisme yankee sera vaincu. Et il a ajouté, nous avons l'appui du président du Brésil, M. Quadros, et du président de l'Équateur, M. Ibarra. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de là, au large des côtes atlantiques du Nicaragua, les 1000 Cubains de la brigade 2506, à bord de 4 vieux cargos, sont en route vers les plages de Larga et Giron, à Cuba, dans la baie des Cochons. Persuadés de l'effet de surprise de leur attaque, assurés d'avoir le soutien des États-Unis, des guérillas et de la population locale, animés par le désir de libérer leur pays du joug communiste, ils ne voient pas qu'ils foncent tout droit vers un désastre historique. Avril 1961. Il est environ 1h du matin, cette nuit-là, lorsqu'une fusillade éclate sur la plage de Giron, dans la baie des Cochons, au sud de Cuba. 5 hommes grenouilles de la brigade 2506 font face à une milice castriste qui les a repérés. Au milieu des échanges de tirs, dans la précipitation, San Roman, le chef de la brigade, ordonne le débarquement immédiat de ses troupes. Le commandant et ses hommes ne sont pas au bout de leur surprise. D'abord, en lieu et place d'une plage de sable fin, ils découvrent que l'arrivée sur la baie des Cochons est particulièrement accidentée, constituée de nombreux récifs de corail et d'arrivages rocheux particulièrement inadaptés à un débarquement. Surtout, la région qu'ils s'attendaient à trouver déserte est habitée. À quelques kilomètres de là, sur la Playa Larga, l'autre partie de la brigade, sous les ordres de Rinedo Oliva, accoste à son tour. Eux aussi rencontrent une milice castriste. Sur les deux plages, la brigade 2506, supérieure en nombre et en armes, prend rapidement le dessus sur les hommes de Castro. Mais alors que les communications devaient être coupées, San Roman découvre au moment de prendre possession du village de Giron que les miliciens castristes ont réussi à donner l'alerte. L'information du débarquement de la brigade 2506 fait rapidement la une des radios du monde entier. Il y aurait eu donc un débarquement dans trois provinces. D'abord celle de Mantasas, à 100 km à l'est de la Havane, ensuite dans la province de l'Oriente et enfin au sud-ouest, près de Pinar del Rio. À Mantasas, les éléments qui ont débarqué tenteraient de se regrouper pour couper la grande route qui va de la Havane à l'est du pays et des combats violents auraient lieu avec les milices castristes. La radio castriste, en dernière minute, avoue la prise de l'émetteur de Mantasas. D'où sont partis ces troupes rebelles? Il est tout aussi difficile de le dire que de dire si les aviateurs qui avaient opéré samedi trois bombardements avaient réellement décollé du territoire cubain. En tout cas, le docteur Miro Cardona, le chef des exilés cubains, a paraît-il quitté New York et son porte-parole a dit aux journalistes « Il n'est pas difficile de deviner l'endroit pour lequel il est parti ». Fidel Castro est à La Havane lorsqu'il apprend le débarquement de la brigade de 1506. Un débarquement attendu, en vérité. Car depuis plusieurs mois déjà, les rumeurs d'une opération s'ébruitent et le bombardement lancé deux jours plus tôt laissait présager une attaque soudaine. Eh bien la voici. Castro lance alors la contre-attaque et donne l'alerte à un bataillon de 900 hommes stationné à quelques kilomètres des plages envahies. Dans le même temps, le leader cubain ordonne à ceux qui restent de son aviation de décoller, de viser les bateaux de la brigade qui n'ont pas encore déchargé leurs hommes et leur matériel. Quand les troupes de San Roman et Arneido Oliva voient arriver les avions dans le ciel cubain, ils pensent d'abord au soutien aérien promis par leurs instructeurs américains. Ils déchantent vite quand ils voient l'un des cargos couler avec son ravitaillement en munitions, tout le ravitaillement du commando, en fait. Les hommes à bord sont obligés de se jeter à l'eau. La bataille s'engage. La tactique de Castro est simple. Il faut submerger l'adversaire le plus rapidement possible. Il faut absolument empêcher que la brigade prenne le contrôle des routes qui relient la baie au reste de l'île. Ainsi, des milliers de miliciens se ruent vers la région de Zapata. Fidel Castro lui-même s'y rend et installe son QG non loin de la zone de combat. De leur côté, les hommes de San Roman parviennent à gagner la tête de pont et à consolider leur position. Le deuxième jour, les hommes d'Arneido Oliva rejoignent ceux de San Roman sur la plage. La nuit, le jour, les combats sont incessants. On compte déjà des dizaines de morts dans les deux camps. Pendant ce temps, à l'ONU, une autre bataille fait rage. J'annonce officiellement aux Nations Unies que Cuba a été envahie ce matin par des unités de mercenaires en provenance de la Floride et du Guatemala. J'accuse solennellement le gouvernement des États-Unis du crime international d'agression et je demande que les Nations Unies prennent urgemment des mesures efficaces, rapides et énergiques pour empêcher la réalisation des plans d'agression américains. J'accuse solennellement le gouvernement des États-Unis d'avoir déclenché contre Cuba une guerre d'invasion en utilisant ses ressources, ses armes et ses avions pour ramener Cuba dans sa condition honteuse de satellite de l'impérialisme nord-américain. Ce réquisitoire a été prononcé il y a quelques instants devant la commission politique de l'Assemblée générale des Nations Unies par le ministre cubain des Affaires étrangères, M. Raúl Roa. En même temps que Raúl Roa prononçait son réquisitoire, le secrétaire d'État Dean Rusk tenait à Washington une conférence de presse. Il a déclaré, à propos de l'affaire de Cuba, que les États-Unis apportaient leur sympathie à tous ceux qui voulaient être libres. Il a affirmé que l'invasion de Cuba n'était pas partie du sol des États-Unis. Il a rappelé que le président Kennedy avait déclaré que les États-Unis n'interviendraient en aucune manière dans cette lutte, qui est une lutte entre la dictature de Fidel Castro et le peuple cubain. 19 avril 1961, retour sur la Playa Rion, dans la baie des Cochons, à Cuba, où depuis 72 heures, les combats font rage entre la brigade 2506 et l'armée castriste. En début d'après-midi, le commandant de la brigade, José San Ramón, saisit sa radio et envoie un énième message. « Nous n'avons plus de munitions, les tanks ennemis approchent de la plage, envoyez protection aérienne, immédiatement !» Pour seule réponse, le silence, qui signifie l'abandon. San Ramon doit se rendre à l'évidence. Il est désormais seul avec ses 1000 hommes face à une armée plus nombreuse et mieux équipée en territoire hostile. À aucun moment, les guerriers intérieurs ne les ont rejoints. Et la raison est simple. Fidel Castro, qui se doutait de l'invasion, a lancé plusieurs opérations depuis quelques mois pour les affaiblir. Et qu'en est-il de l'assistance aérienne promise, ou de la livraison de matériel supplémentaire, ou encore des troupes américaines situées à quelques centaines de kilomètres du côté de Guantanamo, territoire sous contrôle américain? Rien. Personne ne bouge. Tétanisé par la tournure des événements, à l'ONU, Kennedy lance un message clair, limpide à ses collaborateurs. On ne fait rien, ou si peu. Au dernier moment, le jeune président accepte le décollage de quelques avions, d'un navire tout proche pour des bombardements sans grand effet. Alors, ce 19 avril 1961, après 72 heures de combat, une centaine de pertes dans chaque camp et une résistance déjà héroïque, San Roman comprend qu'il n'y a plus rien à faire. Il ordonne à ses hommes de fuir. Plus de 1193 combattants de la brigade sont arrêtés et le commandant, avec une cinquantaine d'éléments, fuit dans les marécages. Fidel Castro, qu'on a vu au plus près des combats, n'a pas hésité à monter sur un char et à participer à la bataille. Il peut maintenant crier victoire et renforcer sa légende. Dans son communiqué numéro 4, Fidel Castro indiquait que ses adversaires avaient tous été rejetés à la mer ou s'étaient dispersés dans une région marécageuse et sans issue. Notre centre de Limour a pu capter cet après-midi la radio cubaine qui diffuse précisément, pratiquement sans interruption, ces communiqués militaires qui sont aussi des communiqués de victoire, comme vous allez pouvoir en juger par le bref écho que vous allez entendre. Fue anunciado en La Habana en la madrugada de hoy. Exactamente a las 2:30, el gobierno revolucionario de Cuba dio a conocer el comunicado número 4. La revolución ha salido victoriosa. Fue ocupada gran cantidad de armas de fabricación norteamericana, entre ellas varios tanques pesados Sherman. New York, 19 avril 1961. Devant l'ambassade, des manifestants se sont réunis pour soutenir le régime de Castro et dénoncer l'intervention américaine. Partout à travers le monde, du Caire à Tokyo, de Bogota à Mexico, devant les ambassades américaines ou dans les rues, les mêmes scènes se répètent. On manifeste contre ce qui apparaît comme une expression supplémentaire de l'impérialisme américain. Sur le terrain diplomatique, la bataille continue. John Kennedy annonce qu'il a répondu à la lettre de Nikita Khrouchtchev, le leader soviétique, et qu'il lui a assuré de nouveau l'absence de toute intervention américaine dans la tentative de renversement de Castro. À l'ONU, son délégué, Adlai Stevenson, soutient lui aussi cette position. Cette nuit, l'ambassadeur Stevenson, au nom des États-Unis, a confirmé que les rebelles qui ont débarqué à Cuba n'étaient pas partis de Floride. Du Guatemala a confirmé l'envoyé du président du Guatemala venu spécialement à New York. Alors a demandé le délégué soviétique M. Zorin, j'aimerais savoir d'où ils sont partis. Sont-ils venus de l'espace extra-atmosphérique? Seul un citoyen soviétique en est revenu jusqu'à présent, a ajouté M. Zorin. Oui, mais en coulisses, la situation est bien différente. John Kennedy a conscience du fiasco de cette opération dans la baie des Cochons. En quelques jours, ce qui devait être une formalité s'est transformé en désastre diplomatique et militaire. Au lieu d'être renversé, Fidel Castro apparaît désormais comme le grand vainqueur. Son pouvoir est renforcé. Surtout, Kennedy constate et vitupère contre la faillite totale de ses services de renseignement. La CIA et Allen Dulles, son directeur, ont commis un nombre incalculable d'erreurs. Le choix de la baie des Cochons, au dernier moment, s'est révélé catastrophique. Et surtout, ils n'ont à aucun moment mesuré l'ampleur du soutien populaire au régime de Castro. Face à tant d'impéritie, John Kennedy décide d'assumer, au cours d'une conférence de presse, nous sommes le 24 avril 1961. Alors qu'une intervention extérieure communiste est sur le point de se produire à Cuba, il est clair que cette nation, en accord avec toutes les autres nations libres de l'hémisphère sud, doit regarder de plus près et avec beaucoup plus de réalisme ce qui est en train de se passer. Nous ne sommes pas satisfaits d'avoir des tanks et des avions situés à moins de 90 miles de la côte. Mais une si petite nation représente moins une menace pour nous qu'une base pour renverser les gouvernements des autres nations libres de l'hémisphère sud. Je tiens à faire démentir ce vieux dicton selon lequel la victoire a des centaines de pères, mais la défaite est orpheline. Par ces quelques mots, John Kennedy reconnaît devant le monde entier son entière responsabilité dans l'opération. Après 100 jours à la Maison Blanche, l'image du jeune président démocrate est au plus bas. En face, et au contraire, à quelques kilomètres des côtes américaines, Fidel Castro assoit son autorité. L'impérialisme américain Yankee vient de subir en Amérique latine sa première grande défaite, déclare-t-il. Cuba, la petite île, a tenu tête à la première puissance mondiale. Mieux encore, elle l'a humiliée. Après plusieurs jours d'errance dans les marécages, San Roman et les derniers hommes de l'expédition sont arrêtés. Au cours de grands procès publics, retransmis à la télé et à la radio, les leaders contre-révolutionnaires sont interrogés et jugés, parfois par Castro lui-même. Finalement, il faudra attendre plus d'un an pour qu'ils soient libérés. 1113 cubains anticastristes faits prisonniers lors de la tentative de débarquement de 1961 ont été rendus par Fidel Castro. Ils ont retrouvé la liberté à Miami et commencé l'année nouvelle en famille après 20 mois de détention. Mais rarement liberté aura été payée aussi cher, puisqu'il en a coûté aux États-Unis sous forme de médicaments et aliments divers une rançon de $47,000 par prisonnier. On comprend que le président Kennedy est tenu à venir saluer lui-même ces hommes, les prisonniers les plus chers de l'histoire. Il tenait aussi à faire le point devant les anticastristes et leurs amis de l'attitude américaine face au régime cubain, une attitude sans concession, ce que la première dame des États-Unis s'est chargée de traduire en espagnol. Après l'épisode de la baie des cochons et la libération des prisonniers, le monde, une nouvelle fois, est passé au bord du gouffre avec la crise des missiles de l'automne 1962. Un épisode duquel John Kennedy sortira cette fois vainqueur et il prendra sa revanche. Mais pour lui, ces jours d'avril 1961 resteront comme ceux de l'apprentissage douloureux du pouvoir. Pour Fidel Castro, ils seront ceux de la légitimité internationale et de l'assise intérieure de son pouvoir pour plusieurs décennies. Entre les deux, la CIA est au cœur des débats. Allen Dulles, son historique patron, a pris sa retraite en septembre 1961 comme un symbole au moment où l'on posait la dernière pierre du nouveau siège de l'agence américaine en Virginie à Langley. Entre-temps, Kennedy a repris les choses en main. Il a sans doute eu vent de cette phrase que son prédécesseur Eisenhower avait dite à l'un de ses conseillers à la fin de ses deux mandats. « La structure de notre organisation de renseignement est défectueuse, il faut la réorganiser. » Depuis 8 ans, je suis toujours vaincu dans ce combat. À mon successeur, je laisserai descendre en héritage. Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, it don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. Don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la la la la la la la la. Nah, it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got, oh. Don't mean a thing, boy, if it ain't got a swinger. Take it, chummy. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la baie des cochons, notre invitée Jeannette Abel, bonjour. Bonjour. Politologue, professeur, spécialiste de l'Amérique latine et notamment de Cuba. On va revenir sur le contexte de cet épisode. Alors, on est en pleine guerre froide, hein. La révolution cubaine attire tous les regards depuis 2 ans, depuis 1959. Mais alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'on y revienne parce qu'on ne le sait pas toujours. Bah, les États-Unis sont pas si inquiets que ça, car Fidel Castro et ses hommes ne se revendiquent pas communistes, en tout cas, pas au début, on ne sait pas qu'ils vont s'allier avec l'URSS et que ce sera ce pôle de déséquilibre là, à quelques milles marins des côtes sud de l'Amérique. Vous avez raison, ils ne se revendiquent pas et ils ne sont pas communistes. Fidel Castro n'a jamais appartenu au Parti communiste cubain. Guevara n'a jamais appartenu à aucun parti communiste. Il y a un débat parmi les historiens, mais c'est maintenant parfaitement clair. Et par contre, plus tard, Fidel Castro dira « Nous avions des idées proches du marxisme, proches du socialisme, et bien sûr, nous avons tactiquement fait en sorte qu'elles ne soient pas ouvertement apparues comme telles ». Donc il y a un aspect, mais il n'y a pas d'appartenance, et d'autant plus que le Parti communiste cubain est un parti largement discrédité, c'est un parti inféodé à Moscou, et c'est un parti surtout qui s'est opposé à Fidel Castro depuis 1953. Ceci explique cela. D'accord. Et ceci explique cela. Donc c'est un point important, et pour la diplomatie américaine, et il y a une partie effectivement d'erreur. De jugement en tout cas. De jugement. Parce qu'il y a un anti-américanisme quand même, un anti-impérialisme en général de la part de Castro et de ses révolutionnaires, mais anti-américanisme dans la mesure où les États-Unis représentent cette hégémonie. Et comme vous l'avez dit, on est quand même, c'est une victoire qui est intervenue 5 ans après la défaite du Guatemala, de Jacobo Arbenz. Au Guatemala, en 1954, où Guevara était présent. Hein. C'est ça, oui. Et donc, c'est une des nombreuses épreuves de force entre un pays d'Amérique latine et le gouvernement américain, l'administration américaine, qui a marqué les esprits. Donc, on est dans une situation à Cuba, en plus un pays qu'on ne sait pas suffisamment, mais qui n'est indépendant que depuis 50 ans, et où le nationalisme est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est un des derniers pays à s'être émancipé de la colonie espagnole pour tomber en fait dans un néocolonialisme nord-américain. Donc ce sentiment national est extrêmement fort et c'est ce sentiment national que Fidel Castro va utiliser et sur lequel qu'il partage, sur lequel il va s'appuyer et c'est ce sentiment national qui explique la défaite. Alors vous savez, on appelle cette défaite aux États-Unis dans les textes diplomatiques un échec parfait. Perfect failure. Oui, c'est ça. C'est probablement la plus grande erreur, ou une des plus grandes erreurs politiques, militaires et diplomatiques de l'administration américaine, avec des effets tout à fait étonnants, parce que, ce faisant, c'est la première défaite des États-Unis en Amérique latine, c'est un acte fondateur pour légitimer, comme vous l'avez dit, Fidel Castro et la Révolution, et qui bénéficie de l'appui pratiquement de toute l'Amérique latine. Et c'est la raison pour laquelle, je le disais en tout début d'émission, à La Havane, au musée de la Révolution, il y a une partie intérieure, puis il y a une partie extérieure. Oui. Hein, et sur cette partie extérieure, je crois qu'il y a eu une embarcation, au moins une, de la baie des Cochons, oui, mais oui. Qui montrait vraiment comme un trophée pour l'histoire, voire pour l'éternité, oui. Aujourd'hui encore. Alors ce qui est très étonnant, c'est l'aspect combiné d'incompétence, d'ignorance et d'improvisation de cette opération par la CIA. Alors on va y revenir, pardon de vous couper, on va y revenir juste une petite considération historique et de contexte. On a l'impression quand même, c'est probablement une réalité, que les États-Unis n'ont pas peur de Cuba en tant que tel, mais ont peur que Cuba soit un relais pour une propagation des idées révolutionnaires communistes à l'intérieur du continent sud-américain, c'est ça ou pas? Bien sûr, pas communiste. Révolutionnaire, nationaliste, oui. Révolutionnaire, nationaliste radical, qui est un courant politique dominant en Amérique latine, en particulier en ces années de guerre froide, et au cours d'un XXe siècle qui a été un XXe siècle parcouru par des interventions nord-américaines militaires qui ont fait du nation building, hein, ce qu'on va retrouver peut-être plus tard en Irak, mais en tous les cas, dans la plupart des pays, et notamment en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Et ce qui explique l'importance de la réaction et du soutien Kennedy. Kennedy comprend ça. Il a l'intelligence de comprendre qu'il y a deux éléments qui vont le freiner dans le fait qu'il ne va pas faire, il ne va pas vouloir intervenir directement. C'est d'une part Berlin, avec la construction du mur, et d'autre part l'Amérique latine, parce qu'il comprend, parce que déjà à ce moment-là, les manifestations de soutien en Amérique latine à Cuba sont énormes. Et donc, ce sont deux fronts différents, et il comprend que, tardivement, bien sûr, mais le risque politique est trop grand. Et c'est une victoire militaire et diplomatique et politique. Bien sûr, surtout politique. Che Guevara représente, lui, à lui seul, et dans sa symbolique et dans la réalité, ce danger cubain de propagation des régimes nationalistes et révolutionnaires. Il le représente bien, lui. Hein, oui, c'est sa ligne, hein, quand même. Oui, mais au début, bien sûr, mais au début, je crois que sur ce plan, il n'y a aucune différence. Vous savez, il y a deux déclarations qui s'appellent la première déclaration de La Havane, la deuxième déclaration de La Havane. Et dans ces deux déclarations, qui sont donc deux premières années de la Révolution, on dit d'une part le devoir de tout révolutionnaire, c'est de faire la Révolution, et d'autre part, la cordillère des Andes sera la Sierra Maestra de l'Amérique latine. Bon. Donc, la vocation... Il y a un dessin, là, qui est clair, un grand projet, dessin historique. Oui, mais qui, réaliste, veux dire entre guillemets, juste en un mot, réaliste en tous les cas, parce que ils comprennent très bien qu'ils peuvent pas. C'est une petite île, il y a 6 millions d'habitants. Ils sont pas à des centaines de kilomètres, ils sont à 150 kilomètres des côtes américaines. Ils peuvent pas rester tout seuls. Donc, ils vont lier leur destin tout de suite à celui de l'Amérique latine. Et ça est une coordonnée fondamentale. Alors, quel est le degré d'implication de Kennedy dans cette histoire de la baie des cochons? Est-ce qu'il a été abusé par des militaires et des services secrets pathologiquement anticommunistes et paranoïaques? Ou est-ce que lui était finalement assez d'accord sur cette opération tout en pensant que si on avait pu ne pas la faire, ça aurait été bien quand même? Enfin, voilà, un peu contraint et forcé. Ah, il est convaincu qu'il faut en finir avec ce gouvernement, avec ce régime. Il n'est pas convaincu, je crois, dès le début, il est hésitant sur les moyens qui sont employés parce que c'est quelqu'un qui a l'intelligence des rapports de force quand même. C'est un héritage de Eisenhower, cette affaire. Ouais. Mais c'est un héritage qu'il accepte. D'autre part, le projet, quel est le projet stratégique? Le projet stratégique, c'était ce qui explique la baie des cochons, qui est une baie au milieu des marécages, mais c'est une baie sur laquelle on peut installer une tête de pont. Et c'est ça. Et sur cette tête de pont, un gouvernement, entre guillemets, révolutionnaire. Et c'est ça le projet, c'est d'installer une tête de pont qui va proclamer tout de suite, grâce à une junte qui s'intitule junte révolutionnaire et qui est aux États-Unis, et dont vous avez évoqué certains des noms, qui va proclamer tout de suite que ce sont eux maintenant le véritable gouvernement cubain et qui pense engager, avec un appui populaire qu'il ne mettra jamais, justement, un renversement du régime castriste. Donc l'idée des États-Unis, c'est de créer une sorte de guerre civile, de partition, de scission, c'est ça, enfin. Oui, mais avec l'idée que le soulèvement populaire est imminent, qu'ils ne vont rencontrer aucun obstacle. Et vous l'avez dit, mais il faut vraiment le rappeler. En plus, il raconte. Il y a deux choses incroyables. Un, la fameuse junte révolutionnaire qui est aux États-Unis n'est même pas au courant vraiment des détails du projet. Elle est tenue à l'écart. On pense la faire débarquer ensuite. Et d'autre part, Stevenson et les représentants diplomatiques auprès de l'ONU ne savent rien. En tous les cas, on leur a fait croire que les fameux avions qui portent des insignes cubains, comme si c'était des avions cubains. Oui, bien sûr. Bon, alors que ce sont des avions maquillés. Ouais. Bon, des avions qui sont en fait des avions sur lesquels on a peint de faux insignes. Et Stevenson défend cette position à l'ONU. Donc il n'est pas informé en plus. Non, il est ridiculisé par la suite, bien sûr. Alors, ce qui est terrible, c'est que ça correspond tellement pas à ce que John Kennedy avait annoncé comme doctrine de politique étrangère. Ça ne correspond pas non plus à son personnage. Voilà, un homme jeune qui est censé changer la donne, la façon dont les États-Unis règlent les affaires du monde, les affaires militaires. C'est ça ce qui est terrible, parce qu'il y a un déficit en termes d'image qui est affreux pour lui. Oui, bien sûr. Il est affreux parce que c'est quand même la CIA qui est censé fournir des indications précises sur la situation intérieure cubaine. Et vous savez qu'il y a des centaines et des centaines d'agents de la CIA à Cuba. Mmh. Et donc, voilà... On se demande ce qu'ils font. Voilà, voilà que les rapports de ces agents, quand on les lit rétrospectivement, il y a plein d'historiens qui le restent, sont des rapports insensés, parce que ce sont des... À l'époque, les deux premières années de la République cubaine, tout le monde sait que le soutien populaire est immense. Et les rapports qu'ils fournissent sont des rapports approuvés par l'ancien ambassadeur. Il faut bien comprendre l'ancien ambassadeur cubain, nord-américain à Cuba, à La Havane. Mmh. Lui aussi, qui était très lié à Batista, le dictateur qui a été renversé, conforte des analyses qui sont totalement fausses. Et c'est ce que, d'ailleurs, si on voulait faire l'histoire... avant la prise du pouvoir par Fidel Castro, on s'apercevrait que tout ça remonte loin. C'est-à-dire que la connivence avec la dictature a été telle qu'elle a masqué ce qui était en train de se passer dans le pays, et pas seulement dans la Sierra Maestra avec la guérilla. Cette connivence qui a pour symbole l'hôtel national, hein, c'est voilà, ça, absolument. À La Havane. Oui, et quand, quand on va cet hôtel à La Havane, c'est tout un pan d'histoire qu'on peut visiter. Où était la mafia, hein? Où était la mafia, absolument. Oui. Est-ce qu'on peut établir un lien, maintenant, entre la baie des cochons et l'assassinat, 2 ans et demi plus tard, du président Kennedy? Écoutez, c'est la conviction de nombreux historiens américains, et je dois dire que j'ai vraiment... Vous la partagez? J'ai tendance à la partager. Elle a une très forte cohérence, en tous les cas, et je pense d'ailleurs que c'est pour ces raisons-là qu'on ne la révèle pas et qu'on met en avant des tas d'histoires au travers de Lee Oswald, etc. Histoires qui sont, elles aussi, peu crédibles. Et ce serait qui, alors, les commanditaires par rapport à cette histoire-là? Par rapport à cette histoire, il y a d'une part le fait que la mafia américaine qui était installée aux États-Unis a vu des intérêts colossaux lésés par la révolution. Vous évoquiez Castro, bien sûr. L'hôtel national n'est qu'une des grandes... Un symbole, quoi. Voilà. Et deuxièmement, il y a au sein de la CIA également tout un courant, d'une part frustré par ce qui s'est passé, qu'ils n'ont pas prévu, qu'ils n'ont pas vu venir, et d'autre part furieux parce que eux étaient partisans de l'intervention aérienne américaine. Et Kennedy l'a refusé. Et donc, il y a quand même dans cette affaire des morts, des blessés et surtout un échec monumental. Et ils veulent prendre... Et c'est une revanche. Et sinon, on ne comprend pas bien d'ailleurs comment là aussi Kennedy, qui est quand même un président protégé, est assassiné à Dallas en 1963 dans des conditions relativement ahurissantes. Et l'idée qu'il puisse y avoir une complicité entre ces anciens éléments de la mafia qui sont liés à la CIA et certains secteurs de la CIA qui n'ont jamais pardonné à Kennedy, ça il y a des documents écrits, le fait qu'il se soit retrouvé face à une défaite pareille... En tous les cas, tout ça tient debout. Tout ça tient debout, comme vous dites. Bon, alors, on va passer à nos jours contemporains. Et on va écouter une archive. Il s'agit de Barack Obama, qui en mars 2016, vous savez, s'est rendu à Cuba. Une grande première, et évidemment, un grand tournant. C'est un moment historique. Barack Obama descend de son avion et pose le pied sur le sol cubain. Le président américain est accompagné de sa femme Michelle et de ses deux filles Sacha et Malia. Quelques poignées de main protocolaires avant de se rendre dans la vieille ville de La Havane. Une visite sous une pluie battante. Puis la cathédrale pour une rencontre avec l'évêque de La Havane, artisan du rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Un rapprochement que Barack Obama souhaite rendre irréversible. C'est une opportunité historique d'engager directement avec le peuple cubain de nouveaux accords commerciaux pour construire de nouveaux liens entre nos deux peuples. Et pour moi, d'exprimer ma vision d'un avenir plus brillant que notre passé. Dehors, des centaines de Cubains ont bravé la pluie et le dispositif de sécurité pour tenter d'apercevoir le président américain. C'est émouvant, très émouvant. Faire venir Obama ici, c'est impressionnant pour le peuple et pour toute l'humanité. Il faudra voir si les choses s'arrangent entre les États-Unis et Cuba. Voilà, après la baie des cochons, après l'affaire des missiles, qui sont deux épisodes très marquants de la guerre froide, et très guerre froide, il y a évidemment deux autres ruptures importantes, il y a la chute du mur, et puis il y a l'ouverture, la réouverture des relations avec les États-Unis. On y vient tout de suite. Un mot sur la chute du mur, qu'est-ce qui fait que ce régime, qui est quand même estampillé communiste, avec Fidel Castro, continue sa route alors que l'URSS n'est plus qu'un souvenir, un bon pour certains, mauvais pour d'autres. Il continue sa route dans de grandes difficultés, hein, parce qu'après 1989-90, après la chute du mur, enfin 91, la fin de l'Union soviétique, l'implosion de l'Union soviétique, il se passe avec Cuba ce qui s'était passé avec Tito, la Yougoslavie, de la part des soviétiques, et ce qui s'était passé aussi avec la Chine, c'est-à-dire qu'une brutalité de la part du gouvernement soviétique de ces années-là, mais des années antérieures, envers ses alliés subordonnés à un moment donné, qui est absolument incroyable. La rupture des relations commerciales, économiques avec Cuba, plonge Cuba dans un quasi-chaos avec 33%, 35% de chute du PIB, hein, du produit intérieur. Pourquoi Cuba a résisté? À ce moment-là, à Miami, on dit l'an prochain à la Havane, c'est ça le cri des manifestations. Pourquoi ça n'a pas été le cas et pourquoi ça a résisté? Je crois qu'il y a toujours deux explications. Un, la première, un sentiment national exacerbé. National, mais internationaliste. Hein, ça n'est pas un chauvinisme. C'est un sentiment. C'est un modèle, quoi. Cuba, modèle du. Ah oui. Voilà, oui. De la révolution, oui. Avec quelque chose d'assez romantique, d'ailleurs. Hein, assez romantique, mais, oui. Mais d'un peuple opprimé qui a toujours été opprimé. On n'a pas le temps de faire l'histoire, hein, mais c'est un peuple qui a. Et on n'a pas le temps, malheureusement. Humilié, je sais bien, un peuple opprimé et humilié. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est le premier ressort fondamental. Le deuxième. Très important, mais moins important, c'est la justice sociale. C'est quand même un régime qui a apporté, sur le plan social... Et l'éducation, voilà, notamment. Des vraies conquêtes. Mmh. Et c'est ça qui explique, malgré une situation terrible, je peux vous dire, j'étais dans les années 90, ce qu'on a appelé la période spéciale en temps de paix, mais on va vous expliquer. La crise était dramatique. Hein. Il y avait des coupures de courant de 16 heures par jour, parce qu'il n'y avait plus de pétrole. Il n'y avait plus de feu rouge dans les rues de la Havane. Et du point de vue de la nourriture, c'était très, très, très, très problématique aussi. Il y a eu des cas de pénurie grave, bon, et le pays, quand même, a tenu, mais dans des conditions difficiles, bien sûr. Très, très difficiles. Bon. Mais ça, et donc, a tenu jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup de problèmes. Alors, on arrive au dernier point historique. Cuba et la Havane et Washington se reparlent. Voilà, ça s'est passé sous Obama. C'est probablement. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est lié au départ de Fidel Castro, profite son frère, Raúl Castro, c'est directement lié ou ça aurait pu se faire avec Fidel? Dans les conditions où ça s'est fait, probablement, il aurait été possible que ça se fasse avec Fidel Castro aussi. Mm-hmm. Après, la suite, ça, on ne sait pas d'ailleurs, parce que maintenant, il est mort. Mais je pense qu'au début, Fidel Castro, au moins pour ce qui est du rétablissement des relations diplomatiques, aurait eu la même position. Autre chose, et après... Le conditionnement, les négociations sur les relations économiques et commerciales. Ça, c'est une autre paire de manches. Et là, il y a plusieurs analyses et il y a des différentes approches et il y a des divergences. Certains ont peur de perdre leur âme à Cuba? Oui, bien sûr. D'autres, au contraire, trouvent que perdre leur âme, ben, peut-être que c'est déjà fait. Et en tous les cas, que le temps est venu de faire des affaires et du commerce avec leurs correspondants en Floride. Les anciens exilés qui commencent à revenir et à investir. Donc on est dans une phase charnière, hein, une période très cruciale aujourd'hui. Mais je pense que Fidel Castro, pour le début, aurait probablement suivi le même chemin. Mais peut-être pas quand il s'agit justement de discuter des conditions très claires des échanges tels que posés par Barack Obama. Bien, toute dernière question, il nous reste une minute pour y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le Venezuela, avec Chavez, la Bolivie, Cuba, on assiste finalement à un pôle, alors politique, hein, pour le coup, pas des va-t-en-guerre, mais un pôle politique, nationaliste, de gauche, romantique, révolutionnaire, ce que vous voulez, en ce moment, dans cette région-là. Oui, mais un pôle réaliste. et oui. Un pôle qui pense que dans l'immédiat, il faut savoir s'adapter au marché, il faut savoir s'adapter aux nouveaux rapports de force et qui n'a plus les mêmes alternatives qu'il avait dans le passé. Et donc c'est un pôle qui connaît de grandes difficultés, c'est vrai pour le Venezuela en particulier, et qui s'interroge. Que ce soit au Venezuela, en Bolivie, au Brésil, à Cuba, etc., qui s'interroge sur comment consolider un pôle progressiste en Amérique latine sans sombrer dans les difficultés que des rapports marchands et qu'un capitalisme un peu sauvage pourrait entraîner pour ces pays. Mais ce sera la conclusion. Jeannette Abel, merci infiniment des éclairages que vous nous avez apportés sur cette affaire. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui La Baie des Cochons, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons sur le soulèvement en Turquie en 2013. J'y arrivais, 2013, voilà.